بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، louange à Allah qui nous a comblés de sites assis sur les ondes de la radio Taqwa. Qu'Allah couvre de sa sainte miséricorde ceux qui l'ont ouverte, et qu'Allah fasse que ce que nous disons ne soit profitable à tous. C'est assise, c'est la mise en application de cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset « وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ». La traduction approximative du sens de ce verset est « rappel, car le rappel est profitable aux croyants ». Le rappel fait du bien aux croyants. Le rappel réveille l'insouciance, hein, des cœurs, l'insouciance des cœurs vivants. قال إبراهيم التيمي رحمه الله قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. Méditez cette parole de Ibrahim Taymi rahimahullah qui dit: le peu de ce bas monde occupe, détourne de beaucoup de choses de l'au-delà. Et comment, si tout notre temps est occupé par ce bas monde, qu'est-ce qu'il reste pour l'au-delà? La différence entre nous et nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim, c'est comme il a dit l'un de nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim, c'est qu'ils se sont sauvés de ce bas monde, et ce bas monde court derrière eux, et vous courez derrière ce bas monde. Et c'est que nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim, se sont sauvés de ce bas monde, et ce bas monde court derrière eux, et nous on court derrière ce bas monde. Allah al-Musta'an. Ceci dit, notre rencontre ce soir est un rappel d'un sujet très important, les préparatifs pour l'au-delà. Ce sujet est une adaptation d'une conférence du docteur Cheikh Mohamed Ghalib, l'un des élèves de notre noble Cheikh, Cheikh Ubaid. Et docteur Mohamed Ghalib, qui est aux Émirats, c'est lui le responsable du site de notre noble Cheikh, Cheikh Ubaid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala arrange la vie de notre Cheikh dans son obéissance, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermi le docteur Mohamed Ghalib dans la voie de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, et qu'il le récompense pour tout le travail qu'il procure, qu'il fait pour la da'wa salafia et pour propager la science de Cheikh Ubaid. Et lui et son frère, docteur Arafat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Frères et sœurs, en Allah Azza wa Jal, ce sujet, c'est une réalité que tout le monde connaît. Mais une grande majorité en sont inattentifs. Beaucoup n'y pensent pas. Et cette réalité, c'est la mort. Et la séparation avec ce bas monde. Et la séparation avec ceux qu'on aime et ce qu'on aime. Personne n'ignore la mort. Et tout un chacun parmi nous a perdu un bien-aimé. Tout le monde doit quitter ce bas monde. La mort ne concerne pas que les personnes âgées, ne concerne pas que les jeunes, ne concerne pas que les hommes, ne concerne pas que les femmes. Il concerne tout le monde. La personne âgée doit se préparer pour la mort et être au prêt, et surtout au moment de la maladie. Il est rapporté dans l'authentique d'Ibn Hibban que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les âges de ceux de ma communauté sont entre 60 ans et 70 ans, et peu parmi eux les dépassent. Et comme on dit, certains de nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim, la maladie est un avertisseur de la mort. Les cheveux gris sont un avertisseur de la mort. Et c'est aussi la vieillesse, c'est l'âge de faiblesse. Et la louange est à Allah, azza wa jal. C'est pour ça que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Zakaria, a dit, comme il est relaté dans Sourate Maryam, وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا. La traduction du sens du verset, et ma tête s'est enflammée de cheveux gris. Il exprime, sallallahu alayhi wa sallam, la situation de faiblesse au moment où lui a été annoncé qu'il allait avoir comme fils Yahya alayhi salatu wassalam. Cette réalité qui est la mort sur laquelle beaucoup sont inattentifs à cause des grands espoirs et des grands souhaits, hein, qu'ils ont pour ce bas monde et dans ce bas monde. Et les grands souhaits et les projections dont l'avenir, c'est une maladie, et c'est une épreuve, et c'est un malheur. Si le serviteur est éprouvé avec, il oublie d'œuvrer pour l'au-delà. Il s'engloutit dans ce bas monde et oublie ses obligations. C'est pourquoi la cause des grands souhaits, c'est quoi la cause de ces grands souhaits, de cette grande projection dans l'avenir? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on se projette dans l'avenir, dans ce bas monde, et qu'on oublie la mort? Deux choses, disent les savants, en sont la cause. La première chose, l'ignorance, le fait d'ignorer la réalité de ce bas monde, le fait d'ignorer que ce bas monde, c'est juste un lieu de halte et un lieu de passage, et que ce n'est pas un lieu d'éternité. Le fait d'oublier que c'est une voie et un moyen vers l'au-delà, tout simplement. Le fait d'oublier que ce bas monde est voué à sa fin et à disparaître, et que l'éternité est dans l'au-delà. Et aussi, l'une des causes, c'est l'amour de ce bas monde. L'amour de la compagnie de ce bas monde. L'amour des tentations et des délices de ce bas monde. La joie avec ses bénéfices et avec ce qu'on y gagne. Et aussi la difficulté pour le cœur de se séparer de ce bas monde. Et aussi le fait d'être apaisé par les bienfaits de ce bas monde et le confort de ce bas monde, sans faire attention à l'au-delà, et sans faire d'œuvres qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Al-Hakim, deux grands gourmands, insatiables, n'assouviront jamais leurs désirs immodérés. Le demandeur de la science et le demandeur de ce bas monde. Et il n'y a aucun doute qu'il existe des choses dans ce bas monde qui attirent l'être et lui font oublier le delà. C'est pour ça, il est dit, de ceux qui se sont perdus dans ce bas monde, comme il est dit dans le verset, dans Sourate Al-A'raf, ainsi ils sont décrits dans ce verset, الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. La traduction approximative du sens de ce verset, ceux qui prenaient leur religion comme jeu et distraction, et ce bas monde les a trompés, aujourd'hui, c'est-à-dire le jour de la résurrection, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de ce jour. L'amour de ce bas monde est une gangrène. Le sortir du cœur est très difficile. Sortir l'amour de ce bas monde du cœur est très difficile. Et le moyen le plus important avec lequel on peut se guérir de l'amour de ce bas monde, c'est de mettre l'amour d'Allah au-dessus de l'amour de ce bas monde. Et on doit toujours avoir présent à l'esprit que tôt ou tard, nous allons quitter ce bas monde. Et on doit se préparer pour l'au-delà. Car se préoccuper et s'engloutir dans ce bas monde est une maladie. Le doué de raison doit tenir ardemment avoir de ce bas monde, avoir doit tenir ardemment à voir ce bas monde dans sa réalité réelle. Il doit voir ce bas monde réel, tel qu'il est. Certains nombres de sciences disent, il est obligatoire à celui qui est doué de raison de se rappeler à tous les moments la mort. Il ne doit pas se faire avoir par ce bas monde et ses causes et ses bienfaits, car la mort est un verre duquel tout le monde boira, et c'est un pivot autour duquel tournent toutes les créatures. Donc, si le serviteur connaît cette réalité, il doit se préparer pour son rendez-vous. Et si la mort est quelque chose de connu de tous les humains, seulement personne ne sait quand il mourra et quand arrivera son moment. Combien de personnes se sont réveillées en pleine santé et le soir ils se sont retrouvés dans leur tombe? Combien de personnes ont passé la journée avec leurs femmes, leurs enfants ou leurs parents et ils les ont quittés avec le coucher du soleil de la journée? Combien de personnes qu'on aime et avec lesquelles on trouve la joie dans les conversations et en compagnie desquelles on est apaisé, et puis la mort les a fait disparaître de notre entourage? Allah Azza wa Jal décrète des causes de la mort, des choses que nous voyons se produire quotidiennement. Tout cela doit nous inviter à se préparer pour l'au-delà. Surtout que de nos jours, les plaisirs, les tentations sont ouverts devant tout le monde et les moyens de la désobéissance et de la débauche sont à la portée de tous. Il est obligatoire à l'être humain d'avoir un avertisseur. Et il est obligatoire qu'il observe sa situation. Et il est obligatoire qu'il médite ses préparatifs pour l'au-delà. La chose la plus importante avec laquelle le serviteur doit se préparer pour l'au-delà, c'est l'ordre le plus important qu'Allah a ordonné à l'humanité entière, le monothéisme, le fait de réserver le culte exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le monothéisme, c'est la chose la plus importante pour les préparatifs pour l'au-delà. Avec l'accomplissement du monothéisme, on est sauvé des péchés dans ce bas monde et dans l'au-delà du châtiment. Car le pire des péchés, c'est l'association. Et comme il dit la parole de Khalilullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salatu wassalam faisait ce dua. Wajnubni wabaniya na'bud al-asnam. La traduction approximative du sens de ce verset qui contient ce dua d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Évite-moi ainsi qu'à mes enfants d'adorer les statues. Le prophète d'Allah, le père des prophètes, alayhi salatu wassalam, ce noble prophète qui était Khalil ar-Rahman, qu'Allah a honoré avec la législation, qu'Allah a élu d'entre ses prophètes et ses messagers, et Allah subhanahu wa ta'ala fait que ce prophète fasse partie des messagers doués de ferme résolution. Et avec tout cela, Ibrahim alayhi salatu wassalam a peur pour lui de l'association. Et il disait ce dua, wajnubni wabaniya na'bud al-asnam. Évite-moi ainsi qu'à mes enfants d'adorer les statues. Et ça, c'est la parole de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est sa position. Et sa peur de l'association et du polythéisme. Par Allah, qui sommes-nous à côté de ce noble messager, alayhi salatu wassalam? Où sommes-nous par rapport à ce noble messager, alayhi salatu wassalam? Les jours passent, les années passent, et la peur de l'association n'effleure pas nos cœurs, et on croit que ce monothéisme ne peut pas se séparer de nous, et qu'on ne peut pas le perdre. Est-ce que nous avons oublié que les cœurs sont entre eux deux doigts du Clément subhanahu wa ta'ala qui tourne les cœurs comme il veut subhanahu wa ta'ala? Méditez, il n'y a pas longtemps, un qui faisait partie des savants qui faisaient beaucoup d'efforts dans la défense du monothéisme, dans la réplique à Rawafid et aux associateurs de tous bords, qui s'appelle Abdullah Al-Qasimi, il avait de la science, et il est mort apostat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qu'est-ce qu'il en est de nous? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est pour ça que notre prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné d'insister avec ce dua, de le faire constamment. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Le messager d'Allah a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, l'homme dort le soir en étant croyant. Il se réveille le matin mécréant. Et le matin, il se réveille croyant et le soir, il devient mécréant. Frère Allah subhanahu wa ta'ala et sœur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grande inadvertance. C'est une grande inadvertance le fait d'oublier, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'être raffermi dans le monothéisme et dans la foi, et demander à notre souverain subhanahu wa ta'ala et à notre Seigneur de raffermir nos cœurs dans l'obéissance et de la raffermir sur sa religion, et que notre situation s'accomplisse sur le monothéisme et sur la sincérité. Allah Azza wa Jal a donné une grande importance au monothéisme. Chaque verset dans le Coran est une preuve pour le monothéisme. Allah Azza wa Jal l'a ordonné à son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, la meilleure des créatures d'Allah, le dernier des prophètes. Qala Azza wa Jal, فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. La traduction approximative du sens du verset, et sache qu'il n'y a de digne d'être adoré qu'Allah, et repens-toi de ton péché. Et dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah, le messager a dit, celui qui dit il n'y a de digne d'être adoré qu'Allah sincèrement par son cœur rentrera au paradis. Le monothéisme, c'est la bonne vie que vit l'être dans ce bas monde. Le monothéisme, c'est le moyen pour vivre une bonne vie dans ce bas monde, une vie apaisée. Le fait de se cramponner au monothéisme et de l'accomplir sauvera la personne le jour de la résurrection. Il lui prodiguera le bonheur dans ce bas monde et le sauvera dans le delà. Qala azza wa jal, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. La traduction approximative du sens de ce verset, quiconque fait une bonne œuvre, homme ou femme, en étant croyant, nous le ferons vivre une bonne vie. Ça veut dire que la bonne vie, elle est dans la foi, dans la soumission à Allah, dans l'accomplissement du monothéisme, dans le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait de mettre en application ses ordres avec sincérité dans le suivi de son messager alayhi salatu wassalam. Ça, c'est la bonne vie. C'est là où il y a le bonheur. C'est là où il y a l'apaisement dans ce bas monde. Et c'est aussi le moyen, pour être sauvé dans le delà. Et c'est le moyen pour acquérir et arriver à la maison d'idylice éternelle dans le delà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux croyants. donc fait partie des préparatifs pour l'au-delà, c'est qu'on accomplisse le monothéisme dans nos cœurs et dans toutes nos adorations et dans tous les actes d'adoration avec lesquels on se rapproche d'Allah. Notre but dans les actes avec lesquels on se rapproche d'Allah doit être le fait de chercher qu'ils doivent être accomplis sincèrement pour Allah et pour avoir la satisfaction d'Allah. Que ce soit dans nos paroles, que ce soit dans nos actes, ou que ce soit ce qu'il y a dans nos cœurs. Car plus le monothéisme est fort dans le cœur du serviteur, et plus il met en application ce qu'il implique, plus il met en application les obligations de ce monothéisme, plus il met en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne, plus il s'éloigne des interdits de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Et quand le monothéisme est faible chez l'être, ben il délaisse les ordres d'Allah. Il tombe dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Il transgresse les limites que Allah subhanahu wa ta'ala lui a tracées. C'est pour ça que Cheikh Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: quand le monothéisme est faible dans le cœur et que l'association est forte dans celui-ci, la personne sera dans une grande perversité. Regardez la débauche dans laquelle sont ceux qui ne croient en rien. Donc le monothéisme est loin de la désobéissance. Mais le monothéisme a ses annulatifs aussi. Le fait de donner des associés à Allah, et cela fait périr dans le delà et amène vers le châtiment éternel dans le delà. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. La traduction approximative du sens de ce verset: Allah ne pardonne pas qu'on lui donne d'associés, et en deçà de ça, il pardonne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Wa qala azza wa jal, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannata wa an-nar, wa ma lidh-dhalimin min ansar. Et dans l'autre verset, la traduction approximative du sens de celui-ci nous dit cela: quiconque associe à Allah, Allah lui interdit le paradis. Son refuge sera le feu de l'enfer, et les injustes n'auront pas de secours. Personne ne pourra les secourir. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a ordonné de l'adorer et de lui obéir, et d'être soumis à lui dans le monothéisme et avec le monothéisme. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. La traduction approximative du sens de ce verset: je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer. Ibn Abbas a dit: pour ceux إلا ليعبدون, qu'ils munifient dans leurs actes d'adoration, c'est-à-dire qu'ils me réservent le culte exclusivement. Donc nous ne devons vouer aucun culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le plus grand et le plus important moyen pour se préparer pour l'au-delà, c'est l'accomplissement de l'adoration exclusivement pour Allah, l'accomplissement du monothéisme dans toutes les situations, dans tous les actes d'adoration, dans la prière, dans la zakat, dans l'émulation, dans les serments, dans la peur, dans la recherche du secours, dans la recherche de la protection, dans la confiance, dans le repentir, et ainsi de suite. قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. La traduction approximative du sens du verset dit: ma prière, mes actes de dévotion, ma vie Et ma mort appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Et c'est ce qu'il m'a été ordonné. Et je suis le premier à me soumettre. C'est la plus importante obligation du serviteur, le monothéisme. Attention à tout ce qui vient diminuer le monothéisme comme expression, ou comme acte, ou autre. On doit faire très attention aux choses, aux paroles et aux actes qui viennent diminuer et faiblir le monothéisme chez la personne. Et attention à tout ce qui viendrait annuler le monothéisme. Nous devons faire très attention à notre monothéisme. On doit se cramponner à notre monothéisme. Et on doit l'accomplir. Et on doit constamment demander à Allah Azza wa Jal, comme l'a demandé Ibrahim alayhi salatu wassalam, de nous préserver de l'associationnisme. Car le plus grand des succès et le plus grand des saluts et la plus grande réussite découle de l'accomplissement du monothéisme. La deuxième chose avec laquelle on se prépare pour le delà, le soumis à Allah doit accomplir les obligations et délaisser les interdits. Il doit les accomplir dans la sincérité, dans le suivi. Allah a ordonné dans beaucoup de versets le fait de lui obéir. Et le fait d'obéir à son prophète, alayhi salatu wassalam. Qala azza wa jal, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Et la traduction approximative du sens de ce verset, obéissez à Allah et obéissez au messager. Wa qala azza wa jal, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. La traduction approximative du sens de ce verset, celui qui obéit à Allah et à son messager obtient une grande réussite, obtient le grand succès. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné est une obligation que le serviteur doit accomplir, sauf s'il y a un texte qui détourne cette obligation et qui ont fait un surrogatoire. Est-ce qu'Allah a interdit ou ce que le messager a interdit, cela fait partie des choses illicites duquel il faut s'éloigner. Et le serviteur doit faire des efforts sur lui-même, doit faire des efforts sur son âme et doit chercher la protection d'Allah contre le shaitan et contre son âme incitatrice au mal. Il doit chercher la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les ruses du shaitan. Qala azza wa jal, inna ash-shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. La traduction approximative du sens du verset, certes le shaitan est votre ennemi, prenez-le comme ennemi. Le serviteur se doit d'éviter les penchants de son âme et les pas de shaitan et les sentiers du shaitan et les voies du shaitan. Et comme il a dit le poète, خَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَعْصِهِمَا وَإِنْهُمَا مَحَّذَاكَ النُّصْحَى فَاتَّهِمِي. Car l'être humain, quand sa foi faiblit, il délaisse les obligations où il commet l'interdit. Et celui qui a été négligent dans l'accomplissement des obligations ou dans le délaissement des interdits, se doit d'entreprendre le repentir et demander le pardon d'Allah et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il y a un point très important auquel il faut faire très attention. Certaines personnes se repentent tout simplement de l'accomplissement de l'illicite, mais ne se repentent pas du délaissement des obligations. Peut-être il est négligent au niveau de la prière, ou que la femme est négligente au niveau du hijab obligatoire. Et certaines personnes, peut-être, sont négligentes au niveau de beaucoup de choses que Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire. Il les délaisse, mais ils ne s'en repentent pas. Et peut-être il néglige des choses qu'Allah a fait obligatoires concernant le jeûne de Ramadan ou autre. Mais il ne se repente pas de la négligence des obligations. Mais s'il commet des péchés, il se repente et demande le pardon d'Allah. Et s'il délaisse les obligations et l'obéissance, il ne se repente pas. Les savants attirent l'attention sur ce point et sur cette situation. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, dit que le fait de délaisser l'obligation est beaucoup plus grave que de commettre l'interdit, rahimahullah. Délaisser les obligations est beaucoup plus grave que tomber dans l'interdit. C'est pour ça qu'il est obligatoire à l'être humain et au soumis à Allah de se repentir du délaissement des obligations et de l'accomplissement de l'interdit des deux. Et l'être humain doit se préparer pour l'au-delà, car il ne sait pas quand est-ce qu'il quittera ce bas monde. Et il se prépare en accomplissant les obligations et en s'abstenant des interdits et en faisant beaucoup de surrogatoires. Et attention, qu'on ne soit pas parmi ceux qui tiennent au surrogatoire et sont négligents au niveau des obligations. Certaines personnes, shaitan, les traînent à faire beaucoup de surrogatoires. Tu trouves certains acharnés à la demande de la science. Ils doivent les veiller pour demander la science. Mais ils négligent salat al-fajr. Ils négligent la prière obligatoire du fajr. Et d'autres tiennent d'une façon particulière à salat tarawih pendant Ramadan. Ils ne prient pas les obligations à l'heure. Certains pieux prédécesseurs ont dit: celui qui a été occupé par l'obligation au détriment du surrogatoire, il a une excuse. Et celui qui a été occupé par le surrogatoire au détriment de l'obligation, il est imbu de lui-même. Regardez la différence. Et regardez la clairvoyance qu'Allah a donnée à nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Ceci, être, donner l'importance au surrogatoire au détriment des obligations, c'est de la vanité, c'est une faiblesse et c'est une énorme négligence. S'occuper des surrogatoires et négliger les obligations. La chose la plus importante à laquelle le serviteur doit faire attention, c'est de préserver les obligations et ensuite les suivre des surrogatoires. Le serviteur, après le monothéisme, doit préserver les prières obligatoires à l'heure, et les accomplir dans leur plage horaire, et les accomplir là où doit s'accomplir la prière. Et il doit préserver les conditions de la prière, ainsi que les piliers de la prière, ainsi que les obligations de la prière. Et puis, il regarde ce qui lui est obligatoire au niveau du jeûne de Ramadan, en préservant son jeûne. Et puis, il doit s'acquitter de sa zakat, s'il fait partie de ceux qui doivent s'acquitter de la zakat obligatoire. Le serviteur doit observer les droits d'autrui qu'Allah lui a ordonnés, les droits des parents, les droits des personnes âgées, l'entretien des relations du sang et des relations familiales. Il ne doit pas être négligent au niveau des droits d'autrui. Et parmi les préparatifs pour l'au-delà, donner l'importance aux surrogatoires. Les surrogatoires après l'obligation. Les surrogatoires, s'ils ne sont pas obligatoires, mais ils ont un impact important dans l'amendement de la personne et dans le fait de préserver le cœur de la personne. Et il prodigue l'apaisement de l'âme de la personne. Ici, les surrogatoires sont un grand moyen pour s'éloigner des tentations. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce hadith Qudsi, quiconque se montre hostile envers un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Parmi les actions que mon serviteur accomplit pour se rapprocher de moi, aucune ne m'est plus préférable que la pratique de ce que je lui fais obligatoire. Regardez, l'obligatoire est aimé min Allah Azza wa Jal. Et ensuite, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Regardez où est-ce que ça amène les surrogatoires après l'accomplissement des obligations. Il prodigue l'amour d'Allah. Et la suite du hadith, et quand je l'aime, je deviens son oui avec laquelle il entend. Ça veut dire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que lui de cette personne n'écoute pas le mal, soit détourné du mal et du blâmable. Et quand je l'aime, je deviens son oui avec laquelle il entend et sa vue par laquelle il voit. C'est-à-dire Allah protège la vue de cette personne et fait qu'il ne zute avec que ce qui est bon, que ce qui est licite. Et sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. Tous les sens, Allah subhanahu wa ta'ala oriente la personne à faire le bien avec. Et tout ça, sa source, c'est quoi? C'est le fait d'avoir accompli les obligations, d'avoir suivi ses obligations par les surrogatoires, et cela prodigue l'amour d'Allah, la personne est aimée min Allah. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala fait que les sens de cette personne ne sont, la personne ne va les utiliser que dans ce qui est bon. Et dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. La langue, la vue, lui, les pieds et les mains, et ainsi de suite. Et la suite du hadith, s'il me demande quelque chose, je lui accorderai. Et s'il cherche ma protection, je le protégerai. Le hadith est chez l'imam Bukhari. Donc nous devons préserver les obligations et les suivre du surrogatoire où on arrive à ce stade-là. Au stade d'être, de faire partie du wali d'Allah. Méditons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Raha. L'essentiel et le but, c'est pas que toi tu aimes, c'est que toi tu sois aimé par Allah. Si tu es aimé par Allah, tu as tout gagné. Tu as eu le bonheur. De tous les côtés. Et l'apaisement qui n'a pas d'égal. Des personnes, à l'époque de notre messager, alayhi salatu wassalam, ont dit, on aime Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, a descendu un verset qui est une épreuve pour nous et pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ. Dites, la traduction approximative du sens du verset, dites si vous aimez Allah, suivez-moi, suivez qui Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah il vous aimera et pardonnera vos péchés. Pour Allah subhanahu wa ta'ala et sur Allah subhanahu wa ta'ala, les surrogatoires concernent toutes les adorations. Et il y a des surrogatoires dans toutes les adorations. Au niveau de la prière, préserver rawatib, qui sont avant et après les prières obligatoires, préserver le witr, faire des surrogatoires de prière absolue. Au niveau du jeûne, avec le jeûne de Ramadan, jeûner avant le mois de Ramadan, hein, ce qu'on peut du mois du Sha'ban, après le mois de Ramadan, jeûner les 6 jours du Shawwal, et préserver selon les capacités de jeûner le lundi, le jeudi, ou 3 jours du mois. Et on doit se rappeler toujours la parole du messager alayhi salam, chez l'imam Bukhari, qui dit, quiconque jeûne un jour sur le sentier d'Allah, Allah l'éloigne, la distance de 70 ans, c'est-à-dire de 70 automnes, c'est-à-dire 70 ans du feu de l'enfer, il l'éloigne, la distance de 70 années du feu de l'enfer. Le jeûne a d'énormes mérites. Le jeûne, c'est une adoration particulière qui a des mérites particuliers. Au niveau de l'aumône, en dehors de la zakat obligatoire, le serviteur doit tenir à donner à ses proches et à ceux qui ne sont pas de ses proches parmi les nécessiteux et parmi les pauvres. قال عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. La traduction approximative du sens du verset: quiconque dépense pour Allah d'une bonne façon et d'une bonne manière, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah restreint et étend la subsistance à qui il veut, et c'est vers lui que vous allez retourner. Qu'on médite cette parole à la fin de ce verset, et c'est vers lui que vous allez retourner. C'est vers Allah que vous allez revenir. Celui qui fait ses dépenses pour Allah, et qui accomplit cette obéissance de la charité pour Allah, c'est comme il l'a mis en avant pour le delà. Il l'a mis en avant pour le delà. Et Allah multiplie par plusieurs fois ce qu'il aura donné. Donc donne ce que tu peux comme aumône. Ce n'est pas obligatoire que tu sois parmi ceux qui doivent s'acquitter de la zakat. La plus grande des catastrophes, c'est que certains, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, ruse pour ne pas s'acquitter de la zakat obligatoire. Ou certains ne la donnent pas par peur du mauvais œil. Et ça, c'est une catastrophe. Tu dois donner cet argent de la zakat qui est en réalité l'argent d'Allah. Et tu dois le donner en étant apaisé, plein de joie et de bonheur. Car Allah t'a comblé de sa grâce, il t'a facilité cet acte d'adoration, il t'a facilité cet acte d'adoration qui s'accomplit avec l'argent. Tu dois donner aux nécessiteux, tu dois donner aux pauvres, tu donnes cet argent tout en reconnaissant que ça, c'est l'argent d'Allah. Et Allah te protège avec cet acte de tout mal. Tu dois te réjouir par l'accomplissement de cette adoration. Et te préparer avec pour le delà. Et te préparer avec pour ta tombe. Te préparer avec pour le jour où tu vas rencontrer ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et tu dois tenir à être généreux avec tes proches et faire plus que ce qui est obligatoire vis-à-vis d'eux. Certains sont avares vis-à-vis de leurs proches, prétextant le mauvais œil, alors qu'il y a différentes façons de leur prodiguer le bien, de leur donner, hein, sans qu'ils sachent que ça vient de lui. Et il faut avoir la certitude. Il faut avoir, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, sœur en Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir la certitude que les surrogatoires ont un grand impact et de grands effets bénéfiques pour le serviteur. Fait partie de cela, c'est qu'il prodigue au serviteur l'amour d'Allah. Et le fait d'être aimé par Allah, c'est le plus grand du succès. C'est le plus grand du bonheur. Et les surrogatoires, le jour de la résurrection, où plus rien ne sert, compléteront les manquements qu'il y a dans les obligations. C'est pour ça qu'il est rapporté dans le hadith authentique que la première des choses sur laquelle le serviteur va être jugé, c'est-à-dire le soumis à Allah, le monothéiste, sur laquelle il va être jugé, le jour de la résurrection, le premier acte, c'est la prière. S'il est bon, si la prière il a été bien, il a réussi, il a eu le succès. Et si ce n'est pas le cas, il a perdu. Et puis, Allah dit, quand il y a des manquements dans la prière, et donc, quand il y a des manquements dans les prières obligatoires, Allah dit, regardez, si mon serviteur a des surrogatoires. Regardez, si mon serviteur a du surrogatoire. Et compléter avec, pour compléter l'obligation. Et c'est aussi, et c'est ainsi que ça sera pour toutes les œuvres après la prière. Ce hadith, hein, et dans, chez Diya al-Maqdisi, dans l'Ahadith al-Mukhtara. Donc, frère, on Allah, Azza wa Jal, regarde, hein, faut pas être négligent au niveau du surrogatoire. Regarde à quel moment ils vont être utiles. Au moment où plus rien ne sert. Ni la famille, ni les enfants, ni la fortune, ni les villas. Quoi que ce soit, personne ne te sera d'une grande utilité. Et à ce moment-là, les surrogatoires viendront combler les lacunes qu'il y a eu dans la prière. Les surrogatoires de la prière combleront les lacunes qu'il y a eu dans les obligations de la prière. Ceux du jeûne combleront les lacunes qu'il y a eu dans le jeûne. Ceux de l'aumône, la même chose. Ceux du pèlerinage. Ceux de la relation familiale et ainsi de suite. Donc il ne faut pas négliger les surrogatoires, que ce soit dans les prières, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans la zakat, que ce soit dans le pèlerinage, que ce soit dans l'entretien de la relation familiale, dans la bienfaisance avec les parents et ainsi de suite. Et on conclut cette assise, cette première partie de ce sujet, par cette noble parole avec laquelle j'ai commencé, cette parole d'Ibrahim Taymi rahimahullah, qui a dit قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. Le peu de ce bas monde occupe et détourne de beaucoup de choses de l'au-delà. On doit se poser cette question. Et comment, si tout notre temps est occupé par ce bas monde, qu'est-ce qu'il reste pour l'au-delà? La différence entre nous et nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhi, c'est comme un dit salaf a dit, la différence entre vous et salaf, c'est que salaf se sont sauvés de ce bas monde et ce bas monde court derrière eux. Et vous, vous courez derrière ce bas monde. Face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi-asma'i al-husna wa sifati al-ula, yarzuqna wa iyyakum fiqh fid-din, wa ij'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.